C'est ces notes qui sont longues, faut qu'elles soient belles. Si je frappe juste la note, ça fait comme toi. Voilà, ça vient là. Tu dois entendre le bruit de ferraille que tu touches les autres cordes. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu mets de l'intensité. Et il fait ça à Coxal aussi. Hein. T'entends les bruits de ferraille des autres cordes, c'est même génial parce que ça rajoute des harmoniques, ça rajoute du bruit, quoi. T'entends le bruit que ça fait quand je déplace de 2 cm sur le manche, t'as les autres cordes qui font bam bam bam, mais ça fait des harmoniques, ça donne du son quoi. C'est ça, hein, quand si tu veux jouer rapide, façon Shredder, bon, les notes, faut les pas les muter, c'est pour ça que la disto, c'est pas trop bon, parce que la disto, ça fait beaucoup de bruit. Donc, moi, des fois, je mets un chouchou sur le manche quand j'ai trop de disto, là, pour éviter les bruits des autres cordes. Voilà, j'ai pas le chouchou en ce moment, et j'aime bien justement les bruits de ferraille des autres. Et faut être en palmute, toujours à la main droite, quand tu joues vite, et chaque note qui est longue, après... Bah pour les faire ressortir, il faut un vibrato très ample, très très puissant quoi. Une attaque très forte et un vibrato très puissant dessus, et voilà, t'as le jeu à la Massim.